songe bien l'en te fait rencontrer. Nous te toujours jiré pour nous pas de jamais séparer. Au moins on te plus belle femme qui te existé. Pas qu'à fouer même l'en du fait pour. D'amour avec ou pas ouais devant ou pas ouais derrière, les net ni lumière pas qu'à faire clair. Expérience un homme dans la vie pour maturité, ça sent le son que n'a pas en a deux. Thank you. nèg la monte sou pye m nan. Maîtresse, son femme qui charge à tendresse, l'autre de la fait caresse. Oui, gadon femme, non. Gadon femme, eh, gadon femme, oh, oh. Gadon femme, eh, monsieur, gadon femme. Gadon femme, eh, gadon femme, oh, oh. Gadon femme, eh, monsieur, gadon femme. Son petit femme qui saute grand bois. L'entendez la monte bois, les pirettes qui marient là. Oui, à l'enfant ça. À l'enfant, à l'enfant, à l'enfant, à l'enfant, à l'enfant, à l'enfant, à l'enfant, à l'enfant, à l'enfant, à l'enfant, à l'enfant, à l'enfant, à l'enfant, non monsieur. Et son femme qui compte son garçon. Allons femme ça. Allons femme. Allons femme. Allons femme. Allons femme. Allons femme. Allons femme ça. Allons femme. Allons femme. Ligue tout des vis, ligue tout des sens. Allons comme ça, papa.